Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Évariste Nyandwi, originaire de la colline Gatwe de la commune et province Kayanza, a été tué ce mercredi dans la forêt naturelle de la Kibira, côté Musigati. Les auteurs de ce crime lui auraient dépouillé une grande somme d'argent. Le président du parti, Rana Karumonge, dénonce que la commission électorale provinciale indépendante de Rumonge a favorisé le parti CNDD-FDD au pouvoir dans la mise en place des commissions électorales communales indépendantes. Les mêmes grognes sont signalées à Bubanza. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le corps sans vie dont certains Évariste Nyandwi, originaire de la colline Gatwe, commune et province Kayanza, a été trouvé ce mercredi dans la forêt naturelle de la Kibira, côté Musigati. Les sources policières et administratives indiquent qu'il a été tué quand il rentrait à Bubanza, où il s'était établi depuis un certain temps. Les mêmes sources précisent que les auteurs de ce crime lui auraient dépouillé une grande somme d'argent car il revenait de Kayanza après avoir vendu toute sa propriété. Sur la page politique, le représentant des partis de l'opposition regroupés dans la coalition Amizero ya Barundi dans la province de Bubanza s'indigne que cette coalition n'est pas suffisamment représentée dans les commissions électorales communales. Alexis Manirakiza le dit après la présentation ce mercredi des membres des commissions électorales communales indépendantes de cette province. Les mêmes lamentations sont faites par l'organisation Débatois Uniproba. Les détails, c'est avec Supes Caritas Kabanyan. Au moment où, dans la coalition Amizero ya Barundi, dans cette province de Bubanza, s'attendait à 5 membres dans les commissions électorales communales, c'est-à-dire un membre par commune, on indique qu'on a été surpris d'avoir seulement 3 membres dans les communes de Bubanza, Rugazi et Musigati. Les communes de Manda et Gihanga n'ont pas été représentées au niveau de cette coalition. Alexis Manirakiza, représentant la coalition Amizero ya Barundi dans cette province de Bubanza, précise que cette coalition a été représentée par un seul membre dans la commission électorale provinciale et qu'il n'a pas cessé d'adresser aux représentants de cette commission ses inquiétudes. Il ajoute qu'il ne comprend même pas comment le parti Paripé Agakiza, qui n'est pas fonctionnaire dans la province selon Alexis Manirakiza, a été représenté. Au niveau de l'Uniproba à Bubanza, ce sont les mêmes lamentations. Les Batois disent qu'ils s'attendaient à une représentation dans les communes de Rugazi et Manda, mais seule la commune Rugazi a eu un seul membre Mutwa. Dans la commission électorale provinciale CEPI à Bubanza, on explique qu'on a mis en place toutes ces commissions conformément à la loi. Jean-Pierre Nimaye, président de la CEPI Bubanza, explique qu'il a associé toutes les parties concernées, y compris le représentant de la coalition Amizero ya Barundi et le représentant des Batois dans l'organisation et la mise en application de ces travaux. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Spes Cartas Kabanyana, les membres des commissions électorales communales indépendantes CECI des 5 communes de la province de Rumonge ont été publiés dans l'après-midi de ce mercredi. Un seul membre du parti Rassemblement National pour le changement RANAC a été retenu. Le président de ce parti dénonce que la commission électorale provinciale indépendante de Rumonge a favorisé le parti CNDD-FDD au pouvoir, ce qui est nié par Léopold Nyonganji, président de cette commission. L'élément n'est pas encore prêt, nous allons y revenir. Les confédérations des syndicats des travailleurs du Burundi, COSIBU et CSB, demandent l'ouverture du dialogue avec le gouvernement sur le sujet des contributions pour les élections de 2020. Ces confédérations indiquent dans les correspondances adressées au ministre, celui de l'Intérieur, celui des Finances, qu'elles craignent des cotisations forcées au moment où l'ordonnance irrelative stipule que les cotisations doivent être volontaires. Le président de la COSIBU, Célestin Savimana, qui appelle à ce dialogue, est au micro d'Évariste Nzikobanya. L'objet de la lettre, c'était de demander un dialogue sur la mise en application de l'ordonnance des deux ministres sur les contributions volontaires aux élections, aux prochaines élections de 2020. Alors, dans l'article 5 de cette ordonnance, il y a un point où on dit qu'un dialogue social, un dialogue horaire pour expliquer le processus. Alors, pourquoi nous demandons ce dialogue? Vous entendez de gauche à droite qu'il y a certains employeurs, qu'il y a certains directeurs généraux, certains responsables administratifs qui commencent à demander des contributions aux élections 2020 alors que l'ordonnance n'a pas encore été appliquée. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des cotisations, ça devait commencer avec fin janvier. Mais comme vous avez vu le communiqué des syndicats qui évoluent dans le secteur de la santé, il y a certains responsables au ministère de la Santé qui ont déjà demandé la collecte des cotisations. Alors, nous pensons alors que ces responsables violent l'esprit et le contenu de l'ordonnance. Les contributions ont un caractère volontaire. Donc, certains administratifs veulent y mettre un peu de pression administrative. Ça devient un caractère un peu obligatoire. S'ils voient le caractère volontaire, adhèrent beaucoup à ce caractère, beaucoup adhèrent au principe. Si le gouvernement ou le ministère concerné refuse tout dialogue, qu'est-ce que Kosibou compte faire? Est-ce qu'on peut refuser le dialogue alors que c'est vous qui l'avez écrit? Je vous répondrai en lisant l'article 5. En plus de ces contributions fixées par la présente ordonnance, toute personne peut s'acquitter d'une contribution supplémentaire telle qu'elle est inspirée par son sens patriotique. Un dialogue social sera organisé pour l'explication du processus. C'est contenu dans l'ordonnance. Vous n'avez pas peur que demain, le gouvernement puisse dire que vous êtes en train d'empêcher les gens à cotiser? Non, c'est une bonne chose que nous faisons. Au contraire, nous incitons les gens à cotiser. Mais selon les règles convenues. Maintenant, vous trouvez, par exemple, dans ce secteur de la santé, les gens qui se plaignent, les travailleurs qui se plaignent maintenant. Si c'est bien réglementé, vous allez voir que les contributions, les cotisations vont être nombreuses. Célestin Savimana, il est le vice-président de la COSIBU. Il s'entretenait avec Évariste Nzikobanyanga. Je vous le disais tantôt, les membres des commissions électorales communales indépendantes, ces 6 des 5 communes de la province Lumonge, ont été publiés dans l'après-midi de ce mercredi. Un seul membre du parti Rassemblement national pour le changement RANAC a été retenu. Le président de ce parti dénonce que la commission électorale provinciale indépendante de Lumonge a favorisé le parti CNDD-FDD au pouvoir, ce qui est nié par Léopold Nyonganji, président de cette commission. Correspondance est signée Jean-Pierre Misago. Sur 25 membres des commissions électorales communales indépendantes des 5 communes de la province de Lumonge, le parti Rassemblement national pour le changement n'a obtenu qu'un seul membre en commune Buyengero. Juma Eric Karfani Nizgimana, représentant cette formation politique en province de Lumonge, indique que le CNDD-FDD détaillait la part du lion en complicité avec la commission électorale provinciale indépendante de Lumonge. Karfani explique qu'à part les membres du CNDD-FDD bien mentionnés sur la liste et qui sont présidents des ESI, sauf en commune Burambi, d'autres membres du CNDD-FDD font partie de ces commissions sous l'étiquette des représentants de l'administration ou de la société civile. Et en somme, ces commissions sont dominées par le CNDD-FDD. Léopold Nyonganji, président de la CEPI Lumonge, informe qu'à part le RANAG, le Frolina a aussi un seul représentant dans les ESI. Selon lui, les 25 places disponibles ont été partagées entre l'administration, les partis politiques, les confessions religieuses et les associations de la société civile, ignorant les enjeux politiques derrière les listes présentées à la CEPI. Kalfani affirme que la CEPI l'a fait sciemment, mais qu'il ne va pas introduire un quelconque recours. Il explique que même la correspondance de recours introduite lors de la mise sur pied des CEPI n'a pas eu de réponse. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Jean-Pierre Misago et sur la page éducation, le manque d'enseignants dans la province de Kalousi préoccupe les responsables scolaires. Certains établissements en manquent cruellement qu'il devient même difficile d'encadrer les élèves. Les directeurs des écoles sont à la recherche des lauréats d'université qui pourraient appuyer par des prestations bénévoles en attendant le recrutement de nouveaux enseignants. Les précisions avec Blaise Pascal Kalaroumi. À l'Itabukar aussi, par exemple, le manque d'enseignants préoccupe beaucoup les responsables de cet établissement secondaire technique. Ils signalent un manque d'enseignants de 9 professeurs, dont la plupart dans la section de technologie des industries agroalimentaires, il y a un cycle. Il parle aussi d'un manque criant d'encadreurs pour cet établissement à régime d'internat. Les responsables scolaires indiquent que ces enseignants manquent depuis le premier trimestre de cette année scolaire et que aussi certains d'entre eux manquent depuis l'année scolaire passée, tout en signalant que la plupart d'entre eux ont quitté la carrière d'enseignement pour aller travailler ailleurs, mais regrettent qu'ils n'ont jamais été remplacés. C'est aussi au lycée communal de Rougazi de la commune Bouguenouzi, où 3 classes, y compris même la classe terminale, toutes les 3 classes n'ont qu'un seul professeur. Et les élèves et les responsables de ces établissements secondaires, tous affirment que les élèves de certaines classes, comme par exemple celle de la section de technologie des industries agroalimentaires de l'Itabu, mais aussi les 3 autres du lycée communal, sont à l'école mais sans suivre des enseignements et signalant qu'il devient difficile de les encadrer. Ils regrettent que cette année scolaire en cours, même l'engagement des professeurs vacataires n'est pas encore autorisé, même ceux qui prestaient l'année passée pour ce régime de vacatariat. Les directeurs indiquent qu'ils sont actuellement à la recherche des universitaires qui ont terminé les études pour qu'ils appuient en enseignant d'une façon bénévole dans l'espoir d'être engagés une fois que l'autorisation est acquise. Cependant, les spécialistes de l'enseignement contactés regrettent que on ne peut pas espérer avoir un rendement pour ces enseignants qui vont rester d'une façon bénévole. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kalaroumié pour Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Sur la page sportive, 65 différents clubs locaux de football se sont fait inscrire dans la compétition de la Coupe du Président édition 2018. Le début de cette compétition est fixé le 2 février prochain, comme l'indique le président de la commission chargée d'organiser les compétitions au sein de la Fédération du football du Burundi, FFB. Youssouf Mossi précise que la nouveauté est l'augmentation des équipes qui vont participer dans cette compétition. Suivez-le, il est au micro de Vianney Ngendakouman. Le tournoi, normalement, c'est la formule coupe, ce n'est pas la formule championnat. Donc, c'est-à-dire que les équipes vont se rencontrer entre elles et puis le gagnant avance sur le tour suivant. Nous avons en tout et tout eu les candidatures de 65 équipes. Nous comptons organiser un match de barrage entre les équipes qui se sont fait inscrire les derniers. Et à partir de là, nous aurons 64 équipes qui vont jouer entre elles pour pouvoir dégager un nombre de 32 qui vont commencer 16e de finale. C'est-à-dire que nous aurons pour le 32e de finale, nous aurons 64 équipes. Pour les 16e de finale, nous aurons 32 équipes. Pour les 8e de finale, nous aurons 16 équipes. Pour les quarts, nous aurons 8. Pour les demi-finales, nous aurons 4 équipes. Et pour la finale, comme vous le savez, c'est 2 équipes. Quelle est la différence de cette édition 2018 par rapport aux autres éditions? Il n'y a pas une grande différence, sauf que le nombre des équipes se sont accrues. Au lieu de 60 équipes comme c'était l'année passée, et cette année-ci, nous avons eu 65 équipes. Donc, ça dit qu'il y a eu 5 équipes de plus. Nous profitons de cette occasion même pour remercier et féliciter la province de Ruyigi, qui a pu inscrire au moins une équipe par commune, ce qui est une bonne chose. Et nous demandons à ce que l'année prochaine, on ait encore des équipes qui puissent s'inscrire pour essayer de créer beaucoup plus d'engouement pour cette compétition. C'était Youssouf Mossi, qui est le président de la commission chargée d'organiser les compétitions au sein de la Fédération du football du Burundi, FFB. Des mesures ont été prises pour, comme l'augmentation de la chaîne de production à la société Brarudi pour faire face au problème de rupture des stocks qui s'observe ces derniers jours à l'intérieur du pays. Rémi Ndaïchimiye, responsable de la communication externe à la Brarudi, dit que l'origine de cette rupture de stock était la forte demande de ces produits lors des fêtes de fin d'année. Nous sommes dans un premier temps très contents et très satisfaits aussi que les gens aiment nos produits, jusqu'à même avoir quelques stocks écoulés le plus vite possible. Ça, c'est un sentiment de satisfaction. Et pour faire face à ces défis qui s'observent souvent vers la fin de l'année, nous essayons d'accroître la production la chaîne de production augmente par rapport à au rythme normal, justement pour faire face à ce défi. Bon, pas un défi, c'est normal qu'il y ait une rupture de stock pendant un certain temps. Et je vous dirais en passant que l'année dernière, nous avons constaté ce défi et nous nous sommes dit, écoute, pour l'année prochaine 2018, il faut qu'on essaie de réduire très sensiblement ce petit problème. Et nous avons augmenté notre quantité et voilà que ça s'observe encore. Mais qu'est-ce que vous pouvez comprendre, madame? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier. Nous sommes toujours dans la période où les grandes institutions se réunissent pour échange d'ovées, pour célébrer toujours les fêtes de Nouvel An. Il y a aussi des familles qui se réunissent pour célébrer la fête de Nouvel An, de Pâques, échange d'ovées. Il y a aussi de ces groupements de gens qui se disent, écoute, nous sommes un club sportif, nous sommes un club de danseurs, nous sommes des journalistes. Voilà, ça fait un bon bout de temps qu'on ne se voit pas. Profitons de cette occasion pour échanger d'ovées et de Nouvel An. Et voilà, à cette occasion, il y a une demande qui dépasse un tout petit peu de loin la quantité qui était estimée. Mais nous sommes très contents qu'aujourd'hui, face à cette grande préoccupation, nos équipes commerciales s'activent jusqu'à même à augmenter les heures de travail, jusqu'à travailler sur un rythme pour pouvoir rattraper la demande telle qu'elle est présentée sur le terrain. Concernant les cas de commerçants qui font des spéculations sous prétexte qu'ils s'approvisionnent loin de leur lieu de vente des produits Braroudi, Réminda Ishimiye indique qu'il y a des délégués de cette société qui sont chargés de la surveillance de tout le circuit de vente. Suivez encore une fois le chargé de la communication à la Braroudi au micro de Gertrude Mawenayo. Et le pays a été subdivisé selon les zones, selon les régions. Et nous avons pour chaque zone un délégué qui ne fait que suivre les mouvements. S'ils n'ont 71 distributeurs qui viennent et qui s'approvisionnent ici à la Braroudi, tout un chacun connaît sa zone d'intervention, son champ d'action, si je peux dire ainsi. Et il y a des cadres ici qui s'occupent de ça au quotidien, qui se disent, et voilà, Gérard, il est basé à Muyinga, il doit servir la zone de Guiterani, la zone de Butihinda, et voilà, il doit servir aussi la zone de X de Gasogwe. Il y a alors d'autres qui viennent s'approvisionner chez Gérard, et voilà, tout est contrôlé, notre délégué, il est là pour ça, il est payé pour ça, il effectue des descentes, il surveille, quitte à ce qu'il n'y ait pas des échappatoires. Mais écoute, aucun commerçant ne peut pas s'amuser à spéculer, de crainte qu'il va se retrouver rayé sur la liste. Et j'estime qu'il n'a pas été facile pour lui d'obtenir, d'avoir l'accès ici. Une fois-ci, il ne respecte pas les clauses. Il se voit rayé sur la liste, il se voit éliminé, il se voit chassé, il donne la chance à l'autre. À part ces grands commerçants qui s'approvisionnent ici à la Braroudi, est-ce que vous arrivez à contrôler les petits détaillants là, des collines, des sous-collines? Comment est-ce que vous arrivez à contrôler tout le circuit de vente de vos produits? Nous arrivons à maîtriser le contrôle de cette manière telle que je vous ai parlé. Il y a des niveaux. Il y a le niveau A, il y a le niveau B. Tout le circuit est bien connu. C'était Réminda Ishimiye, le chargé de la communication à la Braroudi, qui répondait aux questions de Gertrude Mawenayo. C'est sur cette nouvelle en rapport, la pénurie des produits Braroudi à l'intérieur du pays, que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Yeah.